J'ai vu la foule se réveiller un beau matin dans la fumée. Était marqué sur les drapeaux où va l'argent des capitaux. Les uns criaient je veux du boulot, les autres criaient mort au prolo. Aux parleurs que vous êtes, pourtant incompétents. Inutile de préciser, mon argent et votre temps. Cultivateur de haine, dans un tissu de mensonges. Seul espoir m'a convaincu de ne pas me noyer dans mes songes. J'ai confiance en personne, encore moins en moi-même. Je ne vis que du mal et je récolte ce que je sème. C'est avec une passoire que mon foutu destin s'écroule. Et c'est d'un pincement au cœur que je regrette mes rêves de foule. J'ai pas conçu ma vie comme ça, je l'ai pas construite de mes mains. Tant que l'argent et sa valeur, plus t'en as plus tu payes. Ce cercle vicieux m'oppresse et j'en ai perdu le sommeil. Mets de côté tant que tu veux, au final t'auras plus rien. T'as beau avoir des millions, tu finis sous un bus de main. Profite tant que tu peux, ne laisse personne t'en empêcher. Vis tes rêves et puis méprise toutes ces larmes que t'as pas séchées. Sans protéger.